Mwazi ya libara Songo nini Nango na mbona kayo Mote manangai Ebetaka magazi Malingio Nango na mbona kayo Mote manangai Ebetaka magazi Malingio Ozali fololo nangai Mote manangai Bote Mwazi ya libara Songo nini Mbote Mwazi ya libara Songo nini Tango na mbona kayo Mote manangai Ebetaka magazi Malingio Tango na mbona kayo Mote manangai Ebetaka magazi Malingio Ozali fololo nangai Mote manangai J'aime tomber dans géo, pilon pilé. Bonjour, madame Abdiou, bonjour. Où m'en rouillé? Bonjour, madame Abdiou, bonjour. Où m'en rouillé? Chaque fois qu'on a un doudou, qu'on bat ta coupilon, qu'on a un petit tellement m'aimé. Chaque fois qu'on a un doudou, Gambata Kupilo, Pape Pile Pitimi, tellement m'aimé. Ou belle coup fleur dans le paradis, ou belle ta coup étoile. Chaque fois j'aime tomber dans géo, pilon pilé. Beauté, Mwazi ya libara, Sangonini. Beauté, Mwazi ya libara, Sangonini. Tango na mbona kayo, mote manangai, ebetaka magazi, malingio. Tango na mbona kayo, mote manangai, ebetaka magazi, malingio. Ozali fololo nangai, mote manangai. Bonjour, madame Mabdiou, bonjour. Madame Mabdiou, bonjour, où m'en rouillé? Chaque fois m'a de doudou, gamba ta coupilon, pape pile pitini, tellement m'aimé. Chaque fois m'a de doudou, gamba ta coupilon, pape pile pitini, tellement m'aimé. Ou belle gouffler dans le paradis, ou belle la cousette d'elle, chaque fois j'aime tomber dans géo, pilon pilé. J'aime tomber dans géo, pilon pilé. Chaque fois j'aime tomber dans géo, pilon pilé.